T'es mal équipe, t'es mal les armes, t'es mal les risques. T'es mal équipe. Hey. Oh oui, j'suis en équipe, j'tis ça du beat turbo. J'récupère une quiche, dans mes bookings y'en a des go. C'est qui la vis, assusseur, assusseur qui joue le vis. Fais-moi la bise, y'a du buzz, y'a des tapes et des cabis. Hey. On est des loups, pas très polis, on reviendra sûrement si on te loue. Mais son étour à Tripoli, cette année faut que j'dechale au moins de lourd. Que des coupables, toi t'es coupable. Là j'ai un gars, sous le king et combat. Frappe de combat, 3 points ta combi. Fais pas le cowboy, t'es qu'un comique. Te traiter banni, c'est la loi. C'est fou. Biatch, pas de bigo, c'est la loi. Que de dégaine, t'as Sinaloa. Te traiter banni, c'est la loi. J'ai eu la flemme, des problèmes que des problèmes, un pack de balles sur tous leurs bags. Où sont passés vos bonhommes? Ils veulent faire la paix, on aime trop la guerre. Le meurtrier très cool dans mon répertoire. T'es trop fier, je leur mets une matière. Et j'arrive à la tête avec deux étoiles. Ah non, ah non, viens pas maintenant. Je rencontre la fraîche, bip moi après. Te traiter. Mais je descends pas, ça les keufs en bas. Jette la base, jette la base. Si c'est la bague, mais la con s'emboule. Gros 4x4, siège cuir blanc. Si son poney dans mon véhicule. Toute la cité est sous commission. On en amasse, on s'est fait masse aussi. Mais ça me fout le seum. Plus j'en ramasse et plus j'ai de soucis. C'est sérieux 15 balles, 15 minutes, je me régale. RS6, RS7, j'ai garé les deux en bas de chez moi. Te traiter banni, c'est la loi. Biatch, pas de.